بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في قراءتنا في هذا الكتاب المفيد المسمى بالاستدلال على كنز الأطفال. Toujours dans ce qui touche à la foi en les anges et tout ce qui touche aux choses de l'invisible également. Et nous étions en train de parler sur les djinns dans les audios précédents. Donc nous poursuivons en disant في السؤال الخامس وأربعين بعد المئة 145e question. قال حفظه الله تعالى أين يسكن الجن؟ وفيف للجن؟ قال يسكنون في الخرابات والسحاري ومواد النجاسة كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر والأسواق. Ils vivent dans les lieux comme dans les maisons مثلاً, les maisons abandonnées, maisons délabrées abandonnées, les vieilles maisons dans les déserts, dans les lieux où il y a des impuretés, comme par exemple dans les toilettes, ou dans les lieux où il y a des poubelles, ou dans les tombes, dans les cimetières, car la dépouille des mécréants est considérée comme étant une impureté. Selon un call, selon un avis. Et également dans les souks, dans les marchés, les lieux de commerce, les grands lieux de commerce. Et là, c'est ce qui concerne les koufars, les fujjars parmi eux, les mauvais. والصالحون منهم من قد يسكنون في المساجد والأماكن الصالحة. Et quant aux ceux qui sont pieux, parmi eux, certains vivent même dans les masajid ou dans des lieux propres, n'âmes, et des lieux de piété. Il cite plusieurs adillah, et parmi eux, le hadith de Anas ibn Malik, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه que lorsqu'il est rentré aux toilettes le Nabi صلى الله عليه وسلم disait oh Allah je cherche refuge auprès de toi je cherche refuge auprès de toi contre les shayatin jin mâles et femelles, ce qui prouve qu'ils sont dans les toilettes. Ou d'ailleurs même dans le hadith, lorsqu'on enlève nos vêtements on doit dire bismillah. Naam. وقال كذلك جاء رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كومبانيون من نبيت نوميسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فانها معركه الشياطين وبها ينصب راياته. Donc il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم si jamais il était possible ne sois pas le premier à entrer dans le souk, dans les marchés, ni le dernier à en sortir, car ce sont les lieux de bataille des shayatines. Et c'est là qu'ils établissent leur étendard, qu'ils élèvent leur étendard, apporté par un muslim. Et également parmi les hadiths, celui qui a été rapporté par Abdullah ibn Saljisa, on prend le shahid que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, qu'il dit, لا تبولن أو لا يبولن أحدكم في الجهل. Qu'aucun d'entre vous ne urine dans un terrier, dans un trou. Il cite d'autres faits et au final le shahid c'est par rapport au terrier. Pourquoi? C'est quoi la cause de l'interdiction? قال يقال إنها مساكن الجن. Il a été dit que cela est parmi les logis des djinns. Ils habitent dedans. Et il se peut que par la suite, le djinn se venge. Il s'en prenne à toi. Biznillah. Rapporté par Ahmed. Thumma qal, fi su'al al-sadis wa arba'in ba'd al-mi'a, 146e question. Mada yakulu shaytan liyadba'i iza dakhala al-rihl au rajulu baytahu. Faqala bismillah. Wa iza akala faqala bismillah. Donc qu'est-ce que le shaytan? Là on ne parle pas du shaytan, on ne parle pas n'importe quel djinn. On a expliqué que le djinn diffère. Ce n'est pas tout djinn qui est un shaytan. Donc le djinn qui est un shaytan, qu'est-ce qu'il dit à ses suiveurs? Lorsque l'homme rentre dans sa demeure et qu'il dit bismillah, et lorsqu'il mange, il dit bismillah kazalik. Qala yakulu lahum la mabita lakum ou la asha. Il a dit nul gîte ce soir pour vous et ni de dîner. Car la personne aura nommé Allah Azza wa Jal ce repas comme cela est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لمبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم. Dans le hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il dit que lorsque l'homme rentre chez lui et qu'il dit Bismillah, et au moment où il mange également il dit Bismillah, Shaitan dit à ses suiveurs que vous n'aurez nul gîte ce soir ni dîner. Et lorsqu'il rentre chez lui et qu'il ne dit pas Bismillah, Shaitan dit vous avez trouvé un gîte, a dit à ses suiveurs. Si jamais il nomme pas Allah sur son repas, il dira vous avez trouvé également le hacha, à dire le dîner. Et ça, le hadith parle du hacha, du dîner, ça, cela yani, également concerne tous les repas. Tous les repas. Que à chaque fois qu'on mange, on doit dire Bismillah. قال هل الجن في السؤال السابع والأربعين بعد المئة 57e question هل الجن ذرية est-ce que le djinn a une descendance قال نعم والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. La preuve, c'est dans le sens où Allah dit, et lorsque nous avons dit aux anges de se prosterner, prosternez-vous plutôt pour Adam, ils se prosternèrent hormis Iblis, qui était un djinn et qui est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Et il dit à Allah Azzawajal dans le sens, allez-vous donc le prendre lui ainsi que sa descendance comme allié en dehors de moi, alors qu'ils sont un ennemi pour vous. Donc le verset dit bien que Iblis a une descendance, et c'est lui le père des djinns. Donc les djinns également se marient entre eux et ont des enfants. قال في سؤال الثامن وأربعين بعد المئة 148e question هل الجن يموتون est-ce qu'ils meurent également قال نعم والدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait un dua et disait je recherche refuge يعني par ta puissance toi qui n'y a d'une divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu es celui qui ne meurt pas, et alors que les djinns et les hommes, eux, meurent. Muttafaqun alayhi. Donc les djinns meurent également. Et dans d'autres hadiths, cela a été cité, mais celui-là suffit, Inch'Allah. Wa qala fi tasi wa arba'in, ba'd al-mi'a, 59e question. Hal taskunu shayatin fi buyut allati yaskunuha al-nas, wa kayfa tutradu minha? Est-ce que les shayatin également peuvent vivre dans les maisons habitées par les hommes, et comment les en expulser? Comment les ont expulsés? Quand il a fait Naam. Donc, Naam, c'est possible qu'ils habitent dans les maisons et qu'ils nous dérangent. D'accord? Quand il a dit, tu te redoubis et t'asmiya. Donc, il les renvoie justement en nommant Allah Azzawajal, comme cela est cité dans la question qu'on a prise auparavant. Et également, quand il a dit, wa qirat al-Qur'an, khasatan surat al-Baqarah. Et également, en lisant le Qur'an, et tout particulièrement surat al-Baqarah, surat de la vache. Et quand on dit cela, bien sûr, cela est resté en arabe. La parole d'Allah. Ce qui, une fois de plus, une chose qui montre que celui qui n'apprend pas la langue arabe aura beaucoup de lacunes et aura beaucoup de manques. Même ce genre de choses, pour les Afkar, il ne le fera pas correctement. Et alors qu'il est permis d'invoquer Allah par toute langue. Tant qu'on dit des choses correctes, mais il y a des choses, elles, comme par exemple la salat, le Coran, c'est en arabe, ça se dit. Obligatoirement. وجاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفل من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم ne faites pas de vos maisons des cimetières, c'est-à-dire faites des adorations, salat surrogatoire, car Shaitan fuit, se sauve des maisons dans laquelle se récite sourate al-Baqara. Alors Muslim, et des ulama disent que même avec un audio que tu mettrais par exemple avec ton MP3 ou autre comme moyen de diffusion, cela, Inch'Allah, a effet pour le faire fuir. Car il n'est pas constitutionné que ce soit une personne qui lise vivante en elle-même présente. Mais il écrit dans le hadith, il est dit, dans lequel est récité Surat al-Baqarah. Thumma qala fi as-su'al al-khamsin ba'd al-mi'a. 150e question. Ma huwa al-shay alladhi yahrabu minhu ash-shaytan la yutiqu sama'ahu. Quelle est la chose dont s'enfuit, dont le shaytan se sauve et qui ne supporte pas l'entendre? قال والأذان c'est l'appel à la salat. Même l'adhan que l'on fait pour chaque salawat obligatoire. والدليل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ولو درات حتى لا يسمع التأذين. والحديث متفق عليه. que dans l'Abi Sansalem dit que lorsque justement l'Azan se fait, Shaitan se sauve, d'accord, et comme on dit, il fait des paix pour ne pas entendre l'Azan. D'accord, il fait des paix pour ne pas entendre l'Azan. Donc, cela laisse, amène à réaliser que dans les pays comme la France ou autres, où l'Azan est interdit à l'extérieur des masajids, qu'est-ce que Shaitan doit se sentir à l'aise? Car à la base, l'Azan le fait fuir. L'Azan le fait fuir. Et même certains ulama, comme Ibn Baz et autres, disent que Masalan, quand tu fais Ruqya, il est permis de faire l'Azan sur celui sur lequel tu récites. Se basant sur ce hadith-là, que cela fait fuir Shaitan. Allahu ta'ala alam. قال في السؤال الواحد والخمسين بعد المئة 151e question. متى تقيد مرضاة الشياطين؟ À quel moment sont menottés les rebelles des shayatin? قال في رمضان, pendant le mois de Ramadan. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلات الشياطين. Lorsque Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent et se ferment celles de l'enfer et que les shayatines sont enchaînées. Le hadith muttafaqun alayhi. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ces masaïl qui touchent aux djinns. Et regardez bien, on enseigne cela aux enfants, car beaucoup de gens, des fois, dans les djinns, rentrent, par rapport aux djinns, rentrent dans des choses, on va dire un peu dans la fiction, qui ne sont basées sur aucun dalil. Donc nous, là-dessus, on se base sur le hadith. C'est obligatoire, car c'est des choses qui touchent à l'invisible, des choses qu'on ne voit pas. Et si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas informé, on aurait pu le savoir. Donc on se base sur ce qu'il nous dit, nous, et pas sur ce qu'on entend comme légende et comme histoire fantastique. Wa li'azbillah. Fa ila huna, wa alhamdulillah bil alamin.